الحمد لله الحمد لله اسم عثمان آدم Bonjour Dieu, je m'appelle Othman Ahmed. لاجئ سوداني نحن وصلنا في فرنسا نايمين في الشوارع والجوع والبرد وماتوا في هذا الشهر 3 نفر بسبب البرد والجوع. Je suis réfugié soudanais. On arrive en France. On dort dans les rues. Il fait froid. Il y a déjà 3 personnes qui sont mortes de faim ou de froid. وصلنا في مدينة نانتي. فضلونا في منزل. والإجراءات واقف. ويقول فقط ويقول تخرجوا من هذا المنزل انتهت العقد ووصلنا هنا فقط لإجراءات. On est arrivé à Nantes ici à la occupation de Bria. Les procédures sont coupées pour l'instant. La trêve hivernale touche à sa fin bientôt. On est venu ici pour faire une demande d'asile. للإجراءات دائرين مساعدة من منظمة أو أهل المدينة نانتي بأسرع الزمن ساعدونا أهل المدينة أو المنظمة وشكرا أهل المدينة نانتي شكرا وكل اللاجئين السودانيين وكل اللاجئين موجودين في فرنسا. Et on a besoin de soutien des habitants de Nantes ou des associations le plus rapidement possible. Aidez-nous et merci aux habitants de Nantes et à tous les réfugiés soudanais et à tous les réfugiés de la France. Voilà.